mentale solide. Tu te spies comme un bolide. Je déboule dans ce bordel. Ça peut s'avérer mortel si les cocktails et les mots s'en mêlent. Il faut que j'opère avec mon scalpel. Là où on associe une sale gueule avec une marque de smell. Comme beaucoup, je marche seul dans les ruelles de cette vie cruelle. Loin de l'or commercial, là-bas trop de connards chial. Ici, je peux avaler du rhum et dégueuler mes rimes. Ouvre un pactise et imprime s'il le faut. Je pactise avec le crime où je trime à l'usine. J'urine sur tes systèmes scolaires et judiciaires. Je suis qu'un jeune de plus en colère qui représente ses frères, ainsi que les gens en galère qui ont souffert et qui souffrent encore. Anti-nanti, anti-poids, de plus en plus insocial, insatiable, indomptable. Je joue carte sur table, c'est des textes fermes et pas des fables. J'ai le cœur qui saigne, j'essaie de capter les signes, de rester digne, de devenir quelqu'un de bien. Mais comme moi, combien sont tentés pour ne pas dire aspirés par la spirale du mal. Mais à quoi bon avoir la dalle si t'as pas de dents? À quoi bon avoir la maille si t'as pas de temps? Personnellement, je sais ce que je dois et à qui. Quand je lève le doigt, je sais c'est pour qui. Si tu crois que c'est pour toi, c'est que c'est le cas. Je veux une baraque avant d'avoir un SLK. Mais avant même de penser à ça, y'a la MIFA. Faut que j'aide papa à finir payer la casa en 2-4-7. Ici c'est la merde, 7 jours sur 7, 7-6-2-7. Les ingrédients de la recette, je te sers la rincette. Même s'il y a des larcènes, y'a pas de thème. Je m'en bats les couilles du tempo, je m'en bats les couilles si t'aimes pas. J'ai jamais fait de solfège et je nique tout depuis le collège. Depuis que j'ai compris leur manège, y'aura un malaise tant que tous les miens ne seront pas à l'aise. Bouge pas ton cul de ta chaise, attends que le saut mort s'achève. Il faut que ça chiffre, peu importe le moyen, la manière. Faut mailler, arrêter de bailler, RAP coup de bélier. J'enfonce les portes de ta piole ou de ta cellule. Je t'accompagne que tu sois à pied ou dans ton véhicule. Dans la vie j'avance et jamais je recule.